Bienvenue sur Radio Guémozo, bienvenue dans le temps dit. Un groupe mythique des années 60, ennemi déclaré des chaussettes noires, c'est les Chats Sauvages. Laisse-moi dire que nous allons retrouver pour entamer cette première heure. Puis Roy Orbison et Brenda Lee suivront le groupe de rock français. Merci de votre fidélité, excellente après-midi. living's getting crowded. Whoa, whoa, crowded. Yeah, yeah, crowded. Salut les 60, souvenir sur Radio Guémozo. Oui, un mot, oh my baby, I'm coming back to you. Oui, un mot, my baby, you're alone. Cause I've been lonely too. Well, no more, my baby, I'm coming home to you. Drive those big round eyes, my baby, I've been gone too long. Claudette, avec au sommaire de Salut les 60, adaptation contre version originale, nos trois matchs. Nous évoquerons le hit parade de janvier 1963 et notre coin du spécialiste cet après-midi sera consacré à Hugo Frey. Voilà, ce sont les points forts de ces deux heures que nous allons passer ensemble. Merci de nous écouter. Excellente journée sur Radio Guémozo. Thank you.

one of my heart to black cat bones. Take my baby away from home. Mother, that photo, where they been? Up your house and gone again. Oh, diddly, oh, diddly, have you heard? My pretty baby did, she was C'est le 8 avril 1967 à Vienne avec Puppet and String que Sandy Shaw, la chanteuse aux pieds nus, remporte le Grand Prix Eurovision de la chanson. Deux ans plus tôt, en 1965, elle chantait « Pourvu que ça dure ». Vénus qui brille dans la nuit, dans le même amour nous a unis. J'attendais le grand amour et puis je l'ai rencontré. C'était lui que j'attendais. On serait tous les soirs, on est heureux de se voir. Et moi je me dis toujours, pour vous que ça dure. En 1960, Richard Anthony, surnommé le père tranquille du twist, enregistre Clémentine. Ce procédé qui consiste à prendre une rengaine tombée dans le domaine public et à la présenter comme une nouvelle chanson n'est pas nouveau. Car ce titre enregistré par Richard Anthony est en réalité qu'une simple traduction du traditionnel « My darling Clémentine ». Oh ma Clémentine, tu n'avais que 17 ans et tes mines enfantines affolaient tous les garçons. Oh Clémentine, oh ma Clémentine, les braves gens des environs te donnaient aux gentes gamines. Ouais, le bon Dieu sans confession a dit. Pas

Ce n'est pas une nouveauté. La preuve, avec des personnes âgées d'une petite ville norvégienne, arrondissaient leur retraite en vendant sur le marché de la drogue des médicaments qui leur avaient été prescrits. Ce trafic a été découvert par la police qui est parvenue à prendre en flagrant délit un papy dealer. La musique des 60s sur Radio Limoso. De la chanson de Radio Monte Carlo est attribué à de Johnny Hallyday qui devance Charles Aznavour, lauréat l'année précédente.

la paix. Brûlez-moi, je ne veux pas te voir pleurer demain. Toi, l'amour qui ne te promet rien que du chagrin. Tam, tam, palabala, brûlez-moi. Je t'ai blessé en te parlant ainsi. Pourtant, un jour, tu me diras, mais oui, ah, un grand merci. Ne me dis pas que ton cœur est brisé. Sèche tes pleurs et viens m'embrasser. Je ne veux pas qu'un beau jour, toi qui souffres pour moi. Ouais, ouais, oublie-moi. Je ne veux pas qu'un beau jour, toi qui souffres pour moi. Ouais, ouais, oublie-moi. Ouais, ouais, oublie-moi. Ouais, ouais, oublie-moi. Ouais, ouais, oublie-moi. Ils sont 16e, les chaussettes noires, oublie-moi, titre extrait de la bande originale du film Comment réussir en amour. Les derniers restes de gloire du premier groupe de rock français. Elle est 10e avec C'est l'amour auquel je pense. En ce mois de janvier 1963, l'étoile de Françoise Hardy ne cesse de grandir au firmament de la chanson. Que sa bouche à mon oreille vient murmurer mille mots tendres, mille merveilles, mille secrets. C'est à l'amour auquel je pense et que j'espère et que j'attends. Lorsque sous le pseudonyme de Coco. Puis il devient Claude François. Son premier titre, Belle Belle Belle, qui ne va pas tarder à devenir un super tube, rentre ce mois de janvier 1963 à la 3e place du hit parade. Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir

que chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, posée en mille éclats de voix. Eurovision en 1965, France Gall, Poupée de cire, Poupée de son, musique et paroles signées Serge Gainsbourg. Jacques Dutronc, j'aime les filles, et si vous êtes comme ça, n'hésitez pas, téléphonez-moi. Excellent après-midi sur Radio Guémouzo. Les Tokens, The Lion Sleep Tonight, un titre qu'Henri Salvador popularisera en France dans les années 60 et que le groupe Po'o reprendra dans les années 90. Oui. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.

much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. C'était les Beatles. Dans les médias, je vous propose de retrouver l'un des playboys de l'année 1961, Danny Boy, Je ne veux plus être un dragueur. Ses yeux sont deux oiseaux bleus, ses lèvres des flammes. Moi qui étais plutôt du genre galopin, je ne veux plus chercher ailleurs. Je ne veux plus. Je l'ai rencontré, ma vie a changé. Mon petit carnet d'adresses, je l'ai déchiré. Je ne veux plus chercher ailleurs. Je ne veux plus être un dragueur. Enfin, j'ai trouvé l'âme sœur de mon cœur. Les autres poupées, maintenant je m'en balance. C'est fini pour moi. Je ne veux plus être un dragueur. Une fille dans chaque port, c'est la devise des marins. Une fille dans chaque ville, c'est la devise des copains, ou plutôt celle de Monty en 1965. Une fille dans chaque port, c'est la devise des marins. Chaque ville, c'est la devise des copains. croyais très malin. Je voulais faire comme eux. On m'avait dit tu pars demain. Quel vénard, quel heureux. À toi tous les bonheurs et les nuits de folie. Je n'ai pas trouvé un seul cœur. Pourtant ils m'avaient tous bien dit ouais. Une fille dans chaque porte, c'est la devise des marins. Une fille dans chaque ville, c'est la devise des copains. Pauvre bandit. Quoi? Avec mes chansons d'amour, j'étais certain de moi. Pas besoin de faire la cour, elle tomberait dans mes bras. Tout s'annonçait très bien, quelle belle tournée. Je n'ai toujours rien dans les mains, pourtant les amis me disaient ouais. Une ville en chaque port, c'est la devise des marins. Une ville dans chaque ville, c'est la devise des copains. Pauvre bandit, priez pour lui. J'ai fait pourtant des efforts dans les blues et dans les rocks. Je chante doucement ou bien fort, à croire que les filles s'en moquent. Je vois dans leur regard, quand elles frappent des mains, qu'à la sortie sur le trottoir, elles attendront mes musiciens. Oh. Une fille dans chaque port, c'est la devise des marins. Une fille dans chaque ville, c'est la devise des copains. Pauvre bandit, priez pour lui. Pauvre bandit, priez pour lui. Rita Pavone Quarry, juste après la ravissante italienne, vous retrouverez notre coin du spécialiste consacré aujourd'hui à Hugo Frey. Merci de nous écouter, excellent après-midi sur Radio Gémozo. Fare per te, mi sono innamorata e per te pace no, no, non c'è. Ah, ah, ah, mondo, se rido, se piango, è solo tu dividi con me. Yeah. musique, Gérard, éclatez-vous sous la musique des années 60 sur Radio Gemozo. Jean-Marie Antoine Auffray est né le 18 août 1932 à Neuilly-sur-Seine. Après Libération, ses parents divorcent et Hugues Auffray suit son père à Madrid où il poursuit sa scolarité au lycée français et obtient son bac. Alors qu'il se destine à la peinture et à la sculpture, il découvre la guitare, le flamenco et le folklore sud-américain. En 1950, il se marie avec Hélène Faure et, pour faire bouillir la marmite, Hugues Auffray manie la guitare dans les cabarets parisiens de la rive gauche. Le 5 mars 1959, il enregistre son premier 45 tours. Mais il faudra attendre fin 1961 et la parution de son cinquième 45 tours pour que Hugues Auffray, avec Santiano, son fameux 3 mois, connaisse son premier succès. À la suite d'une audition, Maurice Chevalier emmène aux États-Unis Hugues Auffray. C'est à New York que Hugues rencontre Peter, Paul et Mary, un trio débutant avec qui il sympathise. Le trio lui présente un jeune inconnu, un certain Bob Dylan. Un voyage, une rencontre, un tournant dans la carrière d'Hugues Auffray. Mais il faudra attendre le 12 février 1964 et la sortie de son nouveau Super 45 Tours, disque qui marque un tournant dans la carrière du Auffray, avec l'apparition de Pierre Delanoë et Bob Dylan dans son répertoire. N'y pense plus, tout est bien et sera le premier grand succès du Auffray. Hugues Auffray, chef de file en France de l'un des courants musicaux les plus importants des années 60, le folksong, tout comme Johnny Hallyday, Les Chaussettes Noires, Sylvie Vartan, Sheila ou Claude François, Hugues Auffray a marqué de son empreinte la période des 60s et fait désormais partie de la légende des années 60. Me trois mains fin comme un oiseau. Liceo Santillano. 18 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Liceo Santillano. Si Dieu veut toujours droit devant. Nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars pour de longs mois en laissant Margot. Iseo, Santillano. D'y penser, j'avais le cœur gros. En doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, Santillano. Que là-bas l'argent coule à flot. Iseo Santillano. On trouve l'or au fond des ruisseaux. J'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo Santillano. Si Dieu veut toujours droit devant. Nous irons jusqu'à San Francisco. Un jour je reviendrai chargé de cadeaux. Liceo Santillano. Au pays j'irai voir Marco. À son doigt je passerai l'anneau. Tiens bon le cap et tiens bon le flot. Liceo Santillano. Sur la mer qui fait le gros dos. Nous irons jusqu'à San Francisco.

chaque fois que j'allais la voir, ce père avec un fusil m'attendait derrière l'abreuvoir. Il me chassa aux premières jonquilles, me fusilla des jonquilles au dernier lit. Un jour dans la grange aux loups, aux premières jonquilles, elle sauta sur mes genoux, des jonquilles au dernier lit. Une fourche me piqua, je me relevais en hurlant. J'eus beau fuir à travers bois, son père me jeta dans l'étang. Il me piqua aux premières jonquilles et me fourcha des jonquilles au dernier lit. Dans le grenier sur le foin, aux premières jonquilles, et sa fille et puis son vin, des jonquilles au dernier lit. Me fit connaître un peu plus tard les grenouilles et les crapauds au fond de la mare aux canards. Il m'injuria aux premières jonquilles et me noya des jonquilles au dernier lit. J'ai connu le sel et le plomb aux premières jonquilles. J'ai connu l'eau jacochon des jonquilles au dernier lit. J'ai laissé mes amours là, mille fois j'ai frôlé la mort. Est-il encore derrière moi? Que m'importe, je cours encore. Je vais aux premières jonquilles, du pré au bois, des jonquilles au dernier lilas. La la la la la la la la. Céline, les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Non, non, non, ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. quittez pas la musique continue. Restez branchés. L'adaptation Uptie, la version originale, est interprétée par Stevie Wonder. Troisième et dernier match, et troisième et dernier choix pour vous sur Radio Gameuse.

1966, ces bottes sont faites pour marcher. Et pour rejoindre ces heures, nous aurons Dick Rivers et Noël Deschamps. Je n'ai à t'offrir que mon amour. Je sais, j'ai mes jours de colère, mes heures de désespoir. Je sais qu'à ces moments-là, j'en veux au monde entier. Je voudrais fuir même ton regard. Mais toi, tu m'en veux, tu ne comprends donc pas. J'ai peur, je n'ai à t'offrir que mon amour. Devant les vitrines illuminées, quand je vois tes yeux s'allumer, je te crie à mon bien, ne perds pas ton temps. Je t'entraîne en bousculant les gens. Mais toi, tu m'en veux, tu ne comprends donc pas. J'ai peur, je n'ai à t'offrir que mon amour. La nuit, dans mes rêves, je laisse éclater la rage qui depuis longtemps bouillonne en moi. Et dans ces vitrines, sans rien demander, je charge mes bras de cadeaux pour toi. Je t'aime tant. En ouvrant les yeux, je vois mes mains et je les retrouve là, si vives que je n'ose plus les tendre vers toi. Mais toi, tu m'en veux, tu ne comprends donc pas. J'ai peur, je n'ai à t'offrir que mon amour. Que mon amour. Mais toi, tu m'en veux, tu ne comprends donc pas. J'ai peur, je n'ai à t'offrir que mon amour. Salut les 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Guémozo. Yeah.